Are you ready? Yeah. Are you ready? I try to sing. Okay? I listen to bass. Who play bass? Sorry for that. I mute my bass. It's nice. It's okay. Mesdames et messieurs, ce soir en exclusivité. It's not the anyway. No, it's good. You could play the bass. On a DAT à la basse. Un, deux, trois. Allez la basse, vas-y. Fais péter la basse. Come on, basse. Looking for bass. It's okay. It's good level. Everybody is ready pour chanter Jean-Jacques Goldman. Player. Ladies and gentlemen, Mr. Woody. États-Unis. Je crois que tu peux monter un peu ton volume. It's okay, it's okay. On va la refaire. I restart. Your volume is good, I'm sorry. I make a mistake. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Restart to sing. Okay? Are you ready? It's good, it's good. Volume is good. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Non, c'est raté. 1, 2, 3, 4. Elle avait les yeux clairs et la robe en velours, à côté de sa mère et la famille autour. Elle pose un peu distraite au doux soleil de la fin du jour. La photo n'est pas bonne, mais l'on peut y voir le bonheur en personne et la douceur d'un soir. Elle aimait la musique, surtout Schumann et puis Mozart. Comme toi, comme toi, comme toi là-bas. Et oui, comme toi, qui écoute maintenant. Elle allait à l'école, au village d'en bas. Elle apprenait les livres, elle apprenait les lois. Elle chantait les grenouilles et les princesses qui dorment au bois. Elle aimait sa poupée, elle aimait ses amis, surtout Rudiana et surtout Jérémy. Et ils se marieraient un jour, peut-être à Varsovie. Ouais. Comme toi ici, comme toi là-bas, oui, toi qui m'entends. Comme toi, comme moi, comme nous tous. Comme toi. Mr. Woody à la guitare. Les tout droits venus des États-Unis. À la basse, c'est D.A.T. de la Russie. Et après, on a On a aussi un autre bassiste, Crimson Cruiser. En fait, on a deux bassistes. Et on a Peter à la guitare. Merci à vous. Elle avait tes yeux clairs, elle avait ton âge. C'était une petite fille sans histoire et très sage. Mais elle n'est pas née comme toi, ici et maintenant. Non, comme toi. Comme toi. Comme toi. Comme toi. Comme toi, que je regarde tout bas. Comme toi, qui dort en rêvant à quoi. For this good moment, thank you, everyone, thank you, it's very nice. Comme toi, comme toi, comme nous, tous ici-bas, faut pas oublier cette petite Sarah. Elle s'appelait Sarah, elle n'avait pas 8 ans. Oui, c'était douceur, rêve nuage blanc. Mais d'autres gens en avaient décidé autrement. Merci. Thank you. Thank you so much. Nice, nice jam. Au revoir, à bientôt. À bientôt, mes amis américains. Thank you.

Thank you. We'll be right back.